découverte de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guinozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM aujourd'hui, je reçois Madame Anne-Marie Duluc et Stéphanie Izard. Bonjour mesdames, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Très bien, merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je suis Annie Duluc et je suis adjointe au maire de Remiremont et spécialement adjointe à la culture, à l'éducation et au patrimoine. Et moi, c'est Stéphanie Izard, je suis archiviste pour la ville de Remiremont. Nous allons faire d'abord connaissance avec Madame Duluc, puis ce sera au tour de Stéphanie. Alors Madame Duluc, depuis combien de temps vous occupez votre poste à la mairie de Remiremont ? Eh bien, depuis les dernières élections municipales, je pense que c'était en avril 2020. Mais on a été tellement bousculés par le Covid que je ne sais plus exactement. Enfin, c'est depuis les dernières élections municipales. Ah, c'est vrai que 2020, ça a été une année très très très compliquée. Oui. Quel a été votre parcours au sein de la mairie ? Est-ce que vous avez toujours été là-bas ou pas ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, les élus, être élu, c'est pas... Enfin, pour moi, c'était pas un métier. Je me suis présentée sur une liste aux élections municipales. Cette liste... Enfin, il faut dire qu'elle était toute seule. Donc, nous avons été élus. Et on m'avait proposé d'être adjointe à la culture, ce que j'ai accepté volontiers. Moi, j'allais justement vous poser la question si c'était le maire qui vous choisissait ou si c'était par élection. Du coup, vous m'avez répondu. Merci. Enfin, le maire, c'est toute une équipe. En fait, vous avez une équipe, finalement... Les rôles sont distribués au sein de l'équipe, suivant l'appétit de chacun. Vous êtes une sorte de bras droit du maire dans le secteur culturel, alors. Voilà. Est-ce que vous travaillez seule ou avec une équipe, Madame Duluc ? Bien sûr, en équipe. Dans une équipe municipale, c'est vraiment une équipe municipale. Il y a d'autres adjoints à d'autres fonctions, mais vous savez, tout se recoupe. La culture, c'est aussi les bâtiments, c'est aussi les finances, c'est aussi travailler avec l'office du tourisme, c'est aussi travailler avec la communauté de communes. Enfin, il y a beaucoup de monde qui participe aux activités de la ville de Remiremont. Il y a énormément de choses à faire dans la ville. Donc. Énormément. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos journées types ? Ça se passe comment, une de vos journées types à la mairie ? Écoutez, c'est très varié, vraiment. Je crois que chaque jour est différent, selon qu'on ait des réunions ou pas de réunions. Regardez une journée comme aujourd'hui. Ce matin, je suis avec vous. Cet après-midi, je vais dans une école pour le conseil d'administration de l'école. Après, le soir, il y a une réunion de la communauté de communes à Saint-Étienne, d'ailleurs. Donc, vous savez, c'est vraiment très varié. Il peut y avoir des vernissages, il peut y avoir des expositions, il peut y avoir une pièce à aller voir. Enfin, c'est très varié. Comme dit le dicton, chaque jour se suit et ne se ressemble pas. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le milieu culturel ? Vaste question. Qu'est-ce que c'est que la culture ? Je crois que je suis curieuse de tout. Et c'est pour cela que je m'intéresse à la culture, aussi bien, je ne sais pas moi, aux archives, aux musées, à la peinture, à la musique, des rencontres du monde. Je crois que aimer la culture, c'est être curieux. À quel genre d'événement culturel avez-vous déjà participé ? Écoutez, j'étais au théâtre samedi soir, j'ai été à un vernissage d'une exposition de peinture la semaine d'avant, j'ai été aussi aux archives revisiter l'exposition. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très varié. Alors, le milieu culturel a souffert du confinement de 2020, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que vous avez constaté des baisses de participants en différents événements organisés depuis le confinement ? Oh, certainement. On avait prévu finalement des représentations théâtrales qui n'ont pas pu avoir lieu. Est-ce que maintenant le cinéma, l'ouverture du cinéma a correspondu hélas au début du Covid ? C'est certain que je pense qu'il en a... Bon, il a été fermé et qu'il en a souffert. Certains ont encore peur de se retrouver dans une salle... confiné, mais enfin j'avoue que pour ma part, au contraire, je trouve qu'on a eu peut-être plus encore envie de sortir, mais ça dépend un peu du caractère des gens. Mais enfin, c'est certain que le milieu de la culture a souffert du Covid. Quelles sont les différentes missions d'une adjointe au maire, éducation, culture et patrimoine ? Vous avez trois domaines en fait, ça ne doit pas être facile. Oui, ben c'est ce que je vous disais, c'est finalement encourager toutes les manifestations culturelles qui sont susceptibles de pouvoir avoir lieu à Remiremont. Pour les écoles, c'est suivre ce qui se passe dans les écoles de Remiremont, être à leur écoute, voir quels sont leurs besoins, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan des activités extérieures. Et puis le patrimoine, Remiremont, vous savez que c'est une ville historique, qui a un patrimoine très riche, mais très fragile. Et actuellement, par exemple, nous nous occupons de refaire le kiosque du Calvaire qui était très abîmé. Il va y avoir aussi des gros travaux autour de la fontaine des Dauphins sur la place qu'on appelle la place de la Courtine, mais qui est la place de l'Aide de Tassigny. Et bon, c'est quelque chose qui coûte cher, donc il faut trouver des sponsors. Donc c'est tout ça finalement, la culture et le patrimoine. Et justement, comment vous contactez les gens à faire des manifestations, tout ça? Ça se passe comment? Bah écoutez, comme la communication en général, les radios, la presse, le bouche à oreille, tout ce qui relève de la communication, on compte sur vous aussi. Bon, on est là pour ça. Voilà. Et quel est pour vous le média le plus efficace pour se faire connaître? Écoutez, maintenant c'est Facebook, etc. Mais bon, moi j'aime beaucoup la radio, j'aime beaucoup les journaux, mais je crois que les journaux papier se lisent moins. Mm-hmm. La télévision, bon, sur le plan local, peut-être un peu moins, mais il faut se servir de tous les moyens qui existent. Surtout que les journaux, ça existe aussi en version numérique et plus en plus de gens lisent des nouvelles sur Internet. Oui. Mm-hmm. C'est dommage d'ailleurs. Voilà. Oui, moi j'avoue que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire des journaux papier. Mais enfin, c'est sûr qu'on peut les avoir sur Internet, mais c'est moins plaisant. Est-ce que vous pouvez nous parler du marché de Noël qui se passe à Remiremont? Écoutez, le marché de Noël, bon, il commence après Pâques. Il y a une petite brochure qui est sortie qui s'appelle Noël à Remiremont, qu'on trouve dans tous les commerces et dans tous les lieux publics. Donc il y aura un marché de Noël autour de la mairie qui débutera le 9 décembre. Mmh. Et autrement, il y a une animation cette année que je trouve assez variée, assez fournie, qui a été montée en liaison avec la volontaire, c'est-à-dire l'Union des commerçants de Remiremont. Et il y en a, je crois, un peu pour tous les goûts. Ça commence par un concert de Noël le 3 décembre au centre Gilbert Zog, avec une chorale. Il y a un concert, le sorbet citron, qui a lieu le 10 décembre. Il y a même un concours de pull moche. c'est un peu à la mode. Il y a des ateliers créatifs aussi pour les enfants. Il y en a organisé par le centre social et d'autres aussi par le musée Friri, où les enfants pourront aller créer des cartes de Noël au musée. Enfin vraiment, j'incite tout le monde à se procurer ce petit dépliant bleu qui s'appelle Noël à Remiremont, que vous trouvez vraiment un peu partout dans Remiremont. Il y a vraiment un programme très très riche et très varié pour cette période. Est-ce qu'il y aura un défilé pour la Saint-Nicolas? Oui, bien sûr. Et le défilé est dimanche prochain à 17h. Ah, c'est super. Voilà. Saint-Nicolas pourra distribuer des bonbons dans D'ailleurs, la foule. D'ailleurs, on a choisi l'affiche de la Saint-Nicolas. Samedi dernier, on a récompensé ceux qui avaient participé. Et donc, les trois gagnants seront sur le char de Saint-Nicolas. Super. Et est-ce que vous allez faire venir le Père Noël cette année? Bien sûr. Enfin, si on est sage, je pense qu'il viendra. Toujours. Nous allons faire une première pause musicale avant de faire connaissance avec Stéphanie et parler des archives de Remiremont. Donc à tout de suite sur Radio Guémozo. Clap along if you feel like a room without a roof. De retour sur les ondes de RGM avec Madame Duluc et Stéphanie. Alors Stéphanie, depuis quand est-ce que vous travaillez aux archives de Remiremont ? Je travaille aux archives de Remiremont depuis 2011, donc ça fait maintenant plus de 10 ans. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Alors je suis responsable des... J'ai la direction en fait des archives municipales. Les missions d'une archiviste, enfin, et d'un archiviste, c'est pas forcément très connu du grand public. Est-ce que vous voulez que je vous les décrive ? J'ai vu quelques reportages, il faut beaucoup, beaucoup de minutie pour manipuler certains documents qui ont plusieurs centaines d'années, je crois. Et vu que je suis assez, assez maladroite, je pourrais pas travailler aux archives. Ah ça, c'est sûr qu'il faut prendre ses précautions quand on va manipuler des documents anciens. Et c'est pas forcément les plus anciens qui sont les plus fragiles. Hein. On a des périodes de l'histoire où les papiers sont très très fins et là, il faut mieux avoir des doigts de fée pour les manipuler. Est-ce que vous restaurez aussi des fois des documents ou pas ? Alors, on les fait restaurer, oui. Moi, je ne les restaure pas personnellement. On paye des prestataires, dont c'est le métier, qui ont appris ça sur plusieurs années, pour faire restaurer, oui, effectivement, des parchemins. Ça peut être des vieilles photos, des plans anciens. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier de directrice d'archives ? C'est la diversité des missions dans un petit service d'archives. En fait, le métier d'archiviste, ça peut mener à beaucoup de choses. Hein. On peut être spécialisé dans l'archive ancienne, médiévale, enfin jusqu'à la Révolution française. Enfin, dans les gros services d'archives, où il y a beaucoup de monde, par exemple les départementales, chacun va avoir ses missions. Donc il y aura celui qui aura la mission de classer les archives notariales, celui qui aura la mission de recevoir les scolaires. D'autres vont être chargés de la restauration ou de photographier les documents. À Remiremont, comme dans d'autres services d'archives municipales de villes moyennes, on va faire tout ça. C'est très diversifié. Et oui, c'est bien. Et du coup, les documents les plus anciens que vous avez, c'est quelle période ? 13e siècle. Ah oui, le Moyen-Âge donc. Oui, le Moyen-Âge. J'ai bien révisé mes cours d'histoire. Alors, est-ce qu'il existe une formation ou un diplôme pour exercer aux archives de Remiremont ? Alors, faut déjà être diplômé en histoire, quand même. Ensuite, il y a des licences pro, il y a des DUT, il y a des masters. Il y a différents niveaux, en fait, où on va pouvoir apprendre ce métier d'archiviste. Ensuite, pour devenir archiviste de façon pérenne, il vaut mieux avoir un concours de la fonction publique, fonction publique territoriale. Voilà, donc il faut ces deux choses. Et c'est très sélectif dans les concours. Oui, surtout qu'il y en a de moins en moins. Avant, c'était à peu près tous les ans, on va dire, ils prenaient... C'est des concours qui sont organisés au niveau régional, et encore, je vous parle de grandes régions, donc il va y avoir tous les deux ans, voire tous les trois ans, un concours pour archivistes où vous aurez une dizaine de personnes sélectionnées par grande région, c'est-à-dire Grand Est. C'est, par exemple, ça va, et c'est de moins en moins, ça peut être deux personnes tous les deux ans sur tout le Carest. C'est pas toujours évident, mais on peut quand même être archiviste sans avoir le concours. Mais après, c'est pas forcément pérenne. Mais il n'y a pas que des archivistes dans la fonction publique, il y en a aussi dans des grandes entreprises. Mais le fait de passer des concours, ça peut permettre d'évoluer aussi dans aux archives, dans les bibliothèques, tout ça, je crois. Oui, par rapport aux fonctions qu'on y occupe, oui. Mais des archivistes, il y en a, on peut être dans le privé et même à son compte. Il y a des gens qui se spécialisent dans la généalogie, ils vont faire des recherches pour les notaires. Les notaires vont leur demander de faire des recherches généalogiques pour retrouver un successeur quand il y a un héritage. Hein, vous voyez un petit peu le rêve de l'oncle américain, plein d'argent, qui décède et que vous ne connaissez pas et que l'archiviste arrive à vous retrouver votre filiation. Et là, je trouve ça fascinant parce que les deux personnes en question peuvent habiter dans deux régions différentes. Donc ça doit être compliqué des fois de retrouver les bonnes archives et tout ça. Oui. Ah bah c'est sûr, ça, c'est tout un métier d'enquête. Et ça me plaît justement dans le métier d'archiviste. C'est qu'en fait, on enquête pas forcément sur des choses récentes, mais les gens vont s'intéresser à leur passé pour plein de raisons différentes, quoi. Ça peut être pour des raisons administratives, ils veulent prouver leurs droits sur leur maison, sur leur terrain. Ça peut être pour des raisons historiques, ils ont envie de connaître l'histoire de leur famille, voilà. Ou depuis cette année, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé des recherches généalogiques parce qu'ils faisaient de la psychogénéalogie. Alors ça, c'est nouveau, hein, y a de tout. Mais c'est quoi ça ? Alors la psychogénéalogie, c'est des thérapeutes qui, à partir du passé des gens, du métier de leur, des aïeux de leurs patients, pensent qu'ils peuvent régler les problèmes psychosociaux de gens. Voilà, c'est ça. Après, moi, moi, en tant qu'archiviste, on répond à toutes les demandes. Ça ne veut pas dire que... C'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment une diversité de publics et de raisons, en fait, de solliciter. Si je peux me permettre, il faut quand même parfois s'en méfier, parce que dans ce domaine-là, il y a souvent aussi des charlatans qui vous lancent sur des pistes qui, après, ont des conséquences désastreuses pour les familles. Je suis d'accord avec vous, puis je trouve ça un peu bizarre comme pratique, mais bon. En fait, en étant archiviste, vous êtes un peu comme une détective privée, finalement. Ah bah oui, c'est comme ça que je vois les choses. Cette année, j'ai retracé un petit peu les différentes demandes que j'ai eues. Bon, bien sûr, il y a beaucoup eu de demandes de généalogistes, très classiques, des demandes de mes collègues fonctionnaires pour retrouver des dossiers très importants. Par exemple, quand vous allez creuser la voirie pour refaire des réseaux, faut bien savoir ce qu'il y avait avant à cet endroit-là, parce que vous pouvez creuser et tomber sur un tuyau. Enfin, vous voyez, ça va de ça à ça. C'est très... on va avoir des gens qui vont faire des recherches locales. Mais par exemple, cette année, j'ai eu une étudiante de Washington qui est venue spécialement parce qu'elle s'intéressait à l'histoire d'une famille juive de Remiremont. J'ai eu un professeur d'université belge de Gand qui est venu parce qu'il s'intéressait aux chanoines de Remiremont et qu'il était spécialiste du Haut Moyen-Âge. Mais je vais aussi avoir un homme qui vient parce qu'il a eu un accident du travail il y a 30 ans et il veut retrouver cet accident du travail dans la presse. Ah voilà. Oui, ça va, moi. J'ai eu Madame Duluc, tout à l'heure, vous parlait de la restauration du kiosque, d'un kiosque à musique, en fait, à Remiremont, qui se trouve au Calvaire. L'architecte en charge de cette rénovation est évidemment venu aux archives pour que je lui sorte toutes les vieilles cartes postales, photos, vieux plans de ce kiosque pour le refaire au maximum à l'identique, puisque c'est la préservation du patrimoine. Donc après, il faut faire des recherches pour retrouver tout ça. Et je pense que quand on entreprendra des travaux pour refaire la fontaine du Cygne, non pas du Cygne, des dauphins. On ira aux archives pour retrouver finalement tout ce qui a été écrit quand cette fontaine a été inaugurée, parce que je crois que c'était la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette qui était là pour l'inauguration. Donc c'est toute une histoire et c'est très intéressant finalement de retrouver ça aux archives. Et on a même le dessin de l'architecte en couleur d'origine. Enfin oui, faudra effectivement penser à rassembler toutes ces pièces pour... Ce sera peut-être l'occasion de faire une nouvelle exposition. Oui, pourquoi pas sur les fontaines. Alors là, voilà, c'est un sujet très, très beau. J'ai, par rapport aux demandes des usagers, par exemple, aussi une restauratrice qui voulait ouvrir son restaurant et elle était en recherche d'inspiration pour le nom de son établissement. Voilà, c'est des artistes aussi, plasticiens, qui sont venus pour s'inspirer. Et des journalistes aussi, évidemment, puisque les journalistes, périodiquement, que ce soit journaux papier ou autres, ils ont besoin d'articles et, historiques, et donc ils nous demandent des infos sur tel ou tel sujet. Donc on va leur répondre du mieux qu'on peut. Bon, après, oui, c'est plus classique. J'étais en train de repenser à ce qui s'était passé cette année au niveau des demandes. Mais voilà, quand on a fait un peu le tour de toutes les pratiques, en fait, et de l'utilité, en fait, d'un service comme celui-ci. Je voulais rebondir, parce que vous avez parlé d'une personne qui recherchait sa famille juive, c'est ça ? C'était pas sa famille, en fait, c'était une famille juive. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas une exposition sur ça, justement, il semble ? Si, cette année, l'exposition précédente, c'était sur les juifs de Remiremont, en partenariat avec le lycée Jeanne d'Arc de Remiremont. Bah, vous me donnez envie d'aller aux archives, faire un petit tour et voir ce qui se passe ? Mais oui, venez. C'est ouvert 3 après-midi par semaine et c'est gratuit. L'entrée est libre, vous entrez, vous sortez, comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est des archives ? Alors, les archives, alors si c'est les termes légaux dont vous voulez, c'est selon la définition du Code du patrimoine, tous les documents qui ont été produits par des organismes publics ou privés, ou par des particuliers, ou enfin, que ce soit particuliers ou des institutions, et sur tous les supports, qu'elles soient papier, numérique, figuratif, photo, sonore, etc. Avec le but en fait de conserver la mémoire, mais la mémoire administrative, historique. Il y a ces deux choses-là, mémoire administrative, mémoire historique. Mm-hmm. Et donc le but de cela, c'est de les conserver le plus longtemps possible. Et c'était exactement le même but qu'avaient les gens du Moyen-Âge. Mm-hmm. C'était de conserver en fait des preuves qu'ils ont d'ailleurs très très bien conservées à Remiremont, puisqu'on les a encore aujourd'hui. C'est pas le cas dans toutes les villes. Moi, je trouve ça fascinant de pouvoir conserver des documents qui datent de milliers d'années, c'est dingue. Les documents qui datent du Moyen-Âge et qu'on a conservés, c'est des affaires de territoire, par exemple. Et encore aujourd'hui, c'est très important pour la ville de Remiremont de savoir où commence Remiremont et où s'arrête Remiremont. Mm-hmm. Et encore aujourd'hui, régulièrement, mon collègue des services juridiques, me redemande des plans anciens, des actes notariés anciens pour prouver que ce petit morceau de terrain, là, il n'est pas, par exemple, à Saint-Étienne, ou alors il est et à la fois à l'un, à l'autre. Enfin, c'est tout un. Des fois, c'est tout un micmac. Ça paraît simple, en fait, un territoire, mais c'est pas si simple. Ça bouge. Il y a des accords passés. Et si on oublie, si on n'a plus la connaissance de ces accords, mais on peut perdre un petit bout de. C'est comme un particulier, en fait, qui va défendre son terrain. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et au Moyen-Âge, ils gardaient aussi les choses, notamment pour ça, quoi. Savoir qui a quoi, comment, depuis quand. Du coup, je serais curieuse de connaître un petit peu d'histoire de la ville de Remiremont. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes ou des choses que vous avez découvertes aux archives ? Alors bon, Remiremont, c'est un vaste sujet, tellement vaste que je ne sais pas si on peut... Il faudrait plus d'une émission, je pense. Oui, oulala. Alors justement, il n'y a pas... C'est en 2020 qu'on a fêté les 1400 ans du... Les 1300 ans, 1300 pardon, ans. Du... 1300, j'aurais juste de la création du Saint-Mont, oui, dont a découlé Remiremont. Et bon, il y a eu le Covid, c'était un peu compliqué, effectivement, mais oui, l'histoire de la ville est très, très ancienne. Elle date du Moyen-Âge et elle découle d'un établissement religieux prestigieux, mm-hmm. Qui a commencé au Saint-Mont, donc une montagne qui est tout près, que vous connaissez très bien, et voilà, et qui est à l'origine, en fait, de notre ville. Et pour certains documents archivés, est-ce que vous recevez des dons ou c'est forcément déjà aux archives, quelque chose comme ça ? Alors oui, et justement, l'exposition précédente, donc là j'ai une exposition en ce moment sur le portrait, celle d'avant c'était sur les Juifs de Remiremont, et celle d'avant, qui était aussi sur 2022, c'était sur les dons, dépôts et acquisitions faits depuis les 10 années en fait, que le service des archives est ouvert, à une salle, on va dire, ouverte à Remiremont. Mm-hmm. Et on en a eu des centaines en fait, de dons. On en a acheté aussi des documents, mais on en a encore, il y a encore 2 semaines, j'ai rentré de nouveaux dons, voilà, mm-hmm. C'est de particuliers. Il y a des dons qui sont des documents, mais il y a aussi des dons en argent. Mm-hmm. Il est toujours possible finalement de soutenir les archives, parce que les archives, c'est quelque chose aussi qui revient très cher pour une municipalité. Il faut d'abord déjà avoir des locaux, parce qu'avec tout ce qu'on garde... Ça prend de la place. Et ensuite, il y a des manuscrits qui sont très anciens et qui ont besoin finalement d'être restauré, rénové. Et pour ça, on a toujours besoin d'argent. Et on a fait d'ailleurs, il y a 2 ans, une collecte auprès des particuliers. C'est d'ailleurs des dons qui sont défiscalisés en partie pour pouvoir remettre en bon état des vieux documents qui sont aux archives. Les fonds sont importants, Rémi. Enfin, les fonds en termes de masse de documents. Pour les documents d'archives, on est à plus de 800 mètres linéaires, c'est-à-dire, des boîtes mis bout à bout, on en a 800 mètres linéaires, et des livres, on en a plus de 10 000 depuis le 15e siècle. Ah oui, ah quand même. Oui, ah ben c'est absolument énorme. Est-ce que tous les documents sont en format papier ou est-ce que vous en avez aussi en format informatisé? Alors là maintenant, enfin en tout cas pour les documents administratifs, les documents administratifs sont de plus en plus dématérialisés. Par exemple, si vous payez votre facture EDF, ça c'est pas du tout de la commune, hein, mais c'est pour vous donner un exemple que tout le monde connaît. Bon bah ça se fait la plupart du temps maintenant directement. Enfin il y a pas de papier généré par cela quoi. Mm-hmm. Pour les services municipaux c'est la même chose. Tout ce qui est paiement des factures, marchés publics sont dématérialisés. L'état civil aussi en grande partie. Il y a beaucoup, enfin il y a de plus en plus de, enfin il y a de moins en moins de papier généré. Voilà. Et ça va continuer en ce sens et l'État pousse à cela. Je pense que tous les journaux maintenant, vous les avez aussi sous forme numérique. Ils sont plus, c'est plus les journaux en papier. Alors j'ai les deux parce que comme il y a, on continue à produire des journaux papier, on continue quand même à les recevoir en papier. Alors moi, je serais curieuse de savoir, c'est comment vous faites, par exemple, pour vous dire, je cherche tel document. Est-ce que c'est classé? Est-ce que vous servez de votre ordinateur, des fois, pour retrouver tel document, savoir où il se trouve? Ah oui, alors là, on sait absolument tout ce qu'il y a, où ça se trouve, grâce à un logiciel professionnel qui a été acquis il y a plus de 10 ans, puis qui est bien efficace. Bon, je ne vais pas faire de pub, je ne vous dirai pas lequel c'est. Mais... Et donc, tous les papiers sont inventoriés, si vous voulez, et ont un numéro, une cote. Et, et ils sont localisés par informatique. Donc, c'est comme si vous ouvrez un moteur de recherche tel que Google, vous allez taper un mot-clé. Mm-hmm. Et ben, mon logiciel me permet, en tapant un mot-clé, par exemple fontaine, puisqu'on parlait de la fontaine du Cygne, des dauphins, pardon, retrouver tout ce que j'ai sur la fontaine des dauphins, que ce soit des plans, des documents administratifs papier, des photos anciennes, des manuscrits qui en parlent, enfin. Voilà, on entre le maximum de données dans ce logiciel pour pouvoir retrouver en quelques clics où se trouve. Bon, après, il faut quand même se déplacer, se lever de sa chaise et puis aller les chercher. Ça, c'est sûr, mais... Ça vous a changé la vie. L'informatique, moi, j'ai connu que ça. Donc, j'ai pas été archiviste au temps où il n'y avait pas l'informatique. Et je vous avoue que c'était pas simple. Et quand on voit les différents répertoires qu'il y a eu, mon Dieu, ils en refaisaient toujours. C'était pas toujours fini. Enfin, on va dire que seul l'archiviste qui était là depuis 30 ans, il y en avait un dans les services qui pouvait savoir où étaient les choses. Et puis les autres... Si jamais il lui arrivait un malheur, je pense que c'était la catastrophe parce que ça devait pas être facile. Ça devait pas être facile sans l'informatique de se retrouver dans des kilomètres de documents dans certaines grosses structures. Ouais. C'est compliqué. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos collaborateurs, des gens qui travaillent avec vous? Qu'est-ce qu'ils font? Alors aux archives, j'ai une collègue qui a différentes missions, notamment de venir me seconder et m'aider 2 après-midi par semaine en salle de lecture. Donc si vous venez aux archives, les mardis et mercredis, vous verrez, on peut être 2 personnes à y travailler. Voilà, le reste de la semaine, je suis seule à bord. Le capitaine seul sur son navire? Oui, mais bon, pas seul complètement, puisqu'il y a beaucoup d'animations qui sont faites aux archives, il y a la salle de lecture, je suis en relation souvent avec des enseignants. Jeudi, je reçois une classe, par exemple. La semaine dernière, c'était pareil, des élèves de CM1 de Saint-Amé qui viennent me voir parce qu'ils s'intéressent au Moyen-Âge. Alors là, on leur en met plein les mirettes, donc je suis pas réellement seule. Quand c'est comme ça, vous faites une sorte de visite guidée pour les documents? Parce qu'en général, les enfants, quand il y a beaucoup de choses à lire, ils ne s'attardent pas trop dessus. Justement, les enfants, ils ont un créneau d'attention. Moi, je suis maman aussi, hein, donc je connais très très bien les enfants. Mmh. Ils ont un créneau d'attention qui est limité. Il faut, faut les faire bouger, il faut changer de sujet, il faut les impliquer. Donc, il y a notamment une visite. Déjà, c'est des petits groupes, on divise les groupes. Il y a une visite là, ils marchent et ils écoutent. Bon, ils regardent et ils touchent aussi certains documents. Et il y a une deuxième partie que j'appelle atelier pédagogique, où ils vont répondre à des questionnaires, voir de plus près les documents, vraiment pouvoir se pencher dessus. S'ils sont vraiment petits, on va faire une petite animation où ils vont des fois colorier quelques... Bah, évidemment, pas les documents originaux, hein, mais voilà, pour les impliquer, quoi, qu'ils produisent. Il faut qu'ils produisent, les enfants. Il faut qu'à la fin, ils aient quelque chose qu'ils aient fait eux-mêmes, quoi. Et il faut leur laisser aussi le temps de réfléchir, de comprendre et aussi de toucher pas mal, ils aiment bien. Alors justement, comment vous faites pour conserver les documents? Est-ce que vous les mettez par exemple pas dans des feuilles plastiques dans les classeurs classiques, mais ça se passe comment? Ah bah alors oui, justement, ça fait partie du budget justement des archives, assez conséquent, c'est d'acheter tous les conditionnements spécifiques. On ne met pas effectivement des documents dans des pochettes plastiques parce qu'au bout de quelques décennies, ben, c'est affreux, ça mange vraiment, mais ça mange vraiment le papier. C'est comme toutes les agrafes métalliques qui vont faire des trous. Ce qui est destructeur aussi, c'est beaucoup les élastiques en plastique. Alors là, ils se collent sur les documents, c'est une horreur. Donc le travail de l'archiviste, c'est aussi de débarrasser tous ces documents, ces archives du futur, on va dire, de ces matériaux qui les mangent, pour les remplacer par des matériaux qui ne les mangeront pas, qui sont distribués par des prestataires particuliers. C'est du carton neutre dont le pH a été ôté, enfin des choses qui sont vraiment douces. Il y a aussi des plastiques, mais neutres. C'est très technique. Des papiers neutres. Oui, oui. Et quand on ouvre un vieux livre ou quelque chose comme ça, je trouve toujours qu'il y a une odeur particulière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est l'odeur du temps. Hein. Il y en a qui l'aiment, moi je l'aime. Il y en a qui l'aiment pas du tout. Certaines personnes entrent, ils me disent ça sent bon le papier. Puis d'autres vont entrer, vont dire oh, ça pue le papier. c'est tout à fait personnel. À chacun sa sensibilité olfactive. Où se trouvent-vous les archives municipales? Elles se trouvent juste en face de la mairie, précisément aux 4 place Christian Poncelet. C'est à côté de l'Office du tourisme. D'accord. Alors nous allons faire deux pauses musicales avant de parler d'un événement qui se déroule depuis le 18 septembre et jusqu'au 22 décembre aux archives de Remiremont. On vous laisse avec Gossip et Nancy Sinatra et on se retrouvera juste après sur le 107. Of nature. It's up to me and you to prove it. All over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Madame Duluc et Madame Izard. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, Orange Radio et Radio Line et par l'application mobile Les Radios Associatives. Il y a une exposition qui s'appelle Des portraits des figures qui se déroule depuis le 18 septembre et jusqu'au 22 décembre aux archives de Remiremont. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, je peux vous en dire plus. Cette exposition, elle veut montrer, enfin déjà elle veut valoriser le fonds de bibliothèque que l'on possède à Remiremont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mm-hmm. parce qu'il y a les 800 fameux mètres linéaires d'archives, mais il y a les 10 000 livres. Ah oui. Voilà, 10 000 livres. Et parmi ces 10 000 livres, il y a des livres vraiment très anciens et très beaux. Et périodiquement, j'essaie de les utiliser dans les expos parce que on va surtout penser quand on vient consulter le service des archives que il y a que des archives. Mais en réalité, le service des archives, son vrai nom, c'est à Remiremont, service des archives municipales et bibliothèque d'études et de conservation de Remiremont. Il y a ces deux choses là. Donc il faut que j'essaie encore davantage. Dans les années à venir, au moins faire une exposition qui mette en valeur ces livres. C'est une richesse énorme. Et donc, le prétexte, on va dire, pour les sortir, c'était de parler du portrait, de l'invention, en fait, du portrait dans les livres anciens à la Renaissance. Parce qu'avant, bon, déjà, des livres imprimés, ça a été inventé au 15e, donc il n'y en avait pas, forcément, mm-hmm. des livres imprimés. Et puis, le portrait de l'auteur dans le livre, il date de la Renaissance. Et ça donne, ça a été l'objet de véritables œuvres d'art. En fait, c'est une expo d'art. Pour moi, c'est une expo d'art qui montre des gravures du 16e siècle au 19e siècle. Ça va de... Non, en plus, c'est une expo d'art, on va dire, internationale, parce qu'on va avoir des éditions, des impressions françaises de Paris, de Lyon, de Toul, mais aussi des éditions de Francfort, d'Anvers, de Bâle, de Rome, de Florence. Donc, vous voyez, on balaye large au niveau géographique et puis au niveau chronologique. Mmh. Et puis, par rapport à la technique, on a une évolution aussi de la technique de la gravure qui transparaît à partir de cette sélection de livres. Gravure sur bois, gravure sur cuivre, voilà, c'est tout un monde. Et on peut aussi parler des gens qui sont représentés dans ces livres. Par contre, il ne faut pas s'attendre à avoir des personnalités Romarie Montaigne. Il peut y avoir peut-être une incompréhension par rapport à ça. C'est des portraits, des figures, mais ce n'est pas des portraits de Romarie Montaigne célèbre. C'est vraiment c'est une expo artistique, on va dire. Mm-hmm. Et il y a qui, par exemple ? Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît ou pas ? Franchement, non. Si vous connaissez certains juristes ou théologiens non, non, non, il n'y aura pas des noms qui vont évoquer. C'est vraiment une exposition sur l'art, on va dire, de la gravure dans les livres. Bah après, tout ce qui est gravure, dessin, tout ça, et même les peintures, c'est l'ancêtre de la photo. Mmh. Et vraiment, quand je vois une peinture d'une personne célèbre, par exemple Louis XIV, c'est la technicité, tout ça, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Ah, mais c'est vraiment hallucinant, c'est fascinant de voir comment, à la main, ils ont pu créer des matrices de gravure si fines, mais entre deux traits, il y a quoi ? Il y a un demi-millimètre, et encore, même pas. C'est fascinant. Aujourd'hui, on ne serait pas capable de faire des choses comme ça. Je pense, hein, vraiment, sans machine. Sans rien, juste à la main. D'accord. Ah oui. Ah, c'est vraiment fascinant. Pourquoi ce nom des portraits des figures, justement ? Bah parce que le portrait, en fait, c'est la représentation d'une personne réelle. Et la figure, bah je voulais pas que les gens pensent que c'était des portraits en pied, mm-hmm. c'est vraiment la tête, c'est la face, c'est le visage. Par exemple, les éditions d'Anvers, c'est comme dans la peinture de l'époque, quoi. C'est des prouesses artistiques, on va voir la personnalité de l'auteur représentée qui transparaît. Sur certaines gravures, on a les veines des mains qui ressortent, ça va jusque-là, en fait. Par exemple, au XVIe ou XVIIe, c'est comme du Vandex. C'est beau. Il faut voir la beauté de la chose, même si les auteurs, on les connaît plus. Bon, de toute façon, même si vous les connaissez pas, il y a des petits cartels explicatifs. Moi, j'ai fait la recherche, donc vous apprendrez à les connaître et peut-être à les apprécier. Mais ne serait-ce que pour la beauté, pour l'art, faut venir voir l'expo. Ne serait-ce que pour l'art, l'amour de l'art. Est-ce qu'il y a une occasion particulière pour l'organisation de cette exposition, par exemple la journée du patrimoine qui a lieu en septembre, je crois ? Oui, alors je l'ai fait débuter pour les journées du patrimoine, parce qu'il faut quand même, pour ces journées-là, qui attirent du monde, de Remiremont et d'ailleurs, proposer quelque chose. Mmh. En plus de la visite guidée des magasins d'archives et de la salle de lecture, ce serait quand même dommage que la salle d'exposition soit vide. Donc en général, on la remplit. De toute façon, il y a quelque chose à ce moment-là. Alors c'est quoi justement la journée du patrimoine ? Alors la journée du patrimoine, on en est à la 39e édition. Ça a été inventé dans les années 80 par notre ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang. Mm-hmm. Et très vite, c'est devenu, dès la deuxième année, je crois que c'est devenu européen. Donc, et maintenant, c'est même mondial. On a 50 pays qui participent dans le monde et ça génère des visites pour 20 millions de personnes dans le monde. Hein, là. C'est un super événement et qui a été inventé par un Français. Et surtout que le patrimoine, ça peut être aussi, ce ne sont pas seulement des monuments historiques ou des musées ou des expositions, ça peut être aussi une usine ou des lieux divers, mais qui sont là, qui appartiennent finalement au pays, qui représentent aussi un pays ou une région. Est-ce que l'entrée est payante pour aller voir les expositions pendant la journée du patrimoine ou pas ? Ah non, non, c'est gratuit. De toute façon, les services d'archives, bah ça a vocation, enfin c'est gratuit partout. C'est quelque chose de... Voilà, puisque c'est un service public. Au départ, les services d'archives, ils servent aux administrés et aux particuliers, enfin aux gens, à tout le monde, à avoir accès à des documents qui peuvent leur servir pour des raisons légales déjà, en premier lieu, et puis historiques s'ils le souhaitent. Donc c'est quelque chose qui doit être accessible à tous, donc qui dit accessible à tous dit gratuit, quoi. Et du coup, est-ce que vous constatez qu'il y a plus de monde qui viennent pendant la journée du patrimoine ou c'est pareil toute l'année ? Oui, il y a des gens qu'on ne verra pas dans d'autres moments, quoi. Plus, ça va être plus familial. Et, oui. Est-ce qu'il y a une visite guidée pour l'exposition des portraits des figures ? Il y en a eu deux. Et c'est vrai que là, j'ai pas prévu d'en faire une autre. Après, si vous venez en salle de lecture pour voir l'exposition, de toute façon, vous trouverez quelqu'un sur place. Et s'il y a des questions, faut pas hésiter à venir me trouver et je répondrai volontiers aux questions. Est-ce que vous avez déjà eu des touristes étrangers qui sont venus voir l'exposition, par exemple des Anglais, Américains, etc. Anglais, Américains, non. Cet été, oui, j'ai constaté qu'il y avait des étrangers, mais c'est plus les pays frontaliers, enfin les pays, voilà. On va avoir des Belges, des Hollandais, plus des Allemands, quoi, mais pas... Voilà. Bah, c'est les touristes... Peut-être Madame Duluc a des statistiques plus sur la fréquentation, enfin, le tourisme en général. Ça reste surtout les pays européens proches. Il y a des Espagnols, quand même, des Italiens. Mais on a peu d'Américains, quand même. Ça viendra peut-être. Ça viendra. Bah oui, pourquoi pas. Surtout que je crois qu'il y a déjà un cimetière américain à Arches, oui, je crois. Donc, bien sûr. Pourquoi pas faire un petit détour à Remiremont ? Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres événements organisés aux archives ? Oui, bah on en a parlé déjà tout à l'heure. Il y avait eu l'expo sur les dons, les acquisitions des 10 dernières années. Il y a eu l'exposition sur les Juifs de Remiremont. Et là, l'exposition sur les portraits. Il y a eu aussi une animation amusante et atypique. C'était une murder party, en fait, pour la nuit d'Halloween. C'est un jeu, en fait, hein, une sorte de Cluedo géant dont la thématique tourne autour du patrimoine, avec des acteurs déguisés, enfin, voilà. Vous avez fait peur aux participants, vous êtes cachés dans les archives. Est-ce que c'est la première édition des portraits des figures, ou est-ce qu'il y a déjà d'autres éditions avant ? Ah non, c'était de toute façon tous les ans un nouveau sujet. Il n'y a pas de redite. Bon, ça fait que 10 ans que le service est ouvert, donc c'est aussi facile de ne pas tourner en boucle, mais... Mais de toute manière, je pense que le sujet est tellement vaste, vu les fonds qu'on a et l'histoire de la ville, qu'il faut vraiment le vouloir pour tourner en rond, enfin, ou pas avoir d'idées. Mais à Remiremont, on a des idées. Oui. D'accord. Du coup, Madame Duluc et Madame Izard, vous avez travaillé main dans la main pour organiser cet événement, finalement ? Ben, toujours, oui, finalement. Les archives dépendent de la mairie et la mairie des archives. Enfin, on ne peut que travailler ensemble. Il n'y a jamais de problème. Non. Ça, c'est bien, ça, quand il y a une bonne entente comme ça. Est-ce qu'il y aura d'autres événements organisés aux archives après cette exposition ou pas ? Bah là, c'est encore à définir, puisque ça dépendra. Enfin, il faut que... Ouais. Disons qu'on va proposer des... On va faire des propositions aux élus, et ensuite, c'est aux élus de décider ce qu'on fait, et comment on le fait, et quand on le fait, voilà. Donc là, je ne peux pas vous dire encore l'année prochaine ce qu'on va faire. D'accord. Mais, voilà. C'est la même chose pour les musées aussi. Enfin bon, on sait qu'il y aura une exposition au printemps sur la collection Paul Nicolas, c'est-à-dire c'est un verrier de l'époque de Galet, et sa petite fille a mis en dépôt certaines œuvres de son grand-père au musée de Remiremont, donc on va faire une exposition à cette occasion-là. Il y a une très très belle salle maintenant de verrerie de l'école de Nancy au musée. Mais il y a toujours eu l'exposition ou au musée ou aux archives ou en même temps ou l'une après l'autre. Enfin, il y a toujours quelque chose à voir à Remiremont. Ça, c'est bien. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez organisé quelque chose pour le centenaire de la guerre 14-18, par exemple ? Oui. Bah oui, mais du coup, ça commence à dater. Mais oui, c'est ça. Mais moi, oui, ça m'intéresse. Il y avait une exposition qui avait été produite aux archives à ce moment-là. Exposition qui nous sert encore, puisque quand des scolaires viennent pour ce sujet-là, bah c'est bien parce qu'on a déjà une sélection de documents, on a encore les panneaux qui sont là, qui existent. Donc il n'y a plus qu'à les ressortir et ça facilite grandement les choses. Et les expositions sont toujours l'occasion de synthétiser un sujet et de le rendre accessible à tous. Voilà, c'est... Oui, ça synthétise et ça rend plus populaire en fait, la thématique. Et il arrive même que d'autres villes nous demandent si on ne pourrait pas leur prêter notre exposition. C'est arrivé un peu pour l'exposition sur les Juifs à Remiremont, où certains documents ont été demandés par... Pas d'autres villes. On va tenter de la transformer en exposition virtuelle, puisque ça a été beaucoup demandé. Aux archives, on n'édite pas de catalogue, enfin, quand je vous parle d'édition, avec un imprimeur, voilà. Donc, les personnes, des fois, aimeraient repartir avec l'information. Oui. Ce n'est pas toujours facile pour nous. C'est une question de budget, hein, tout simplement. Hein. Ça reste une ville de taille moyenne. Donc, il y a d'autres médias qui existent. On va essayer d'en profiter. Alors, est-ce qu'on peut retrouver la mairie et les archives de Remiremont sur Internet et les réseaux sociaux ? Oui, alors sur Internet, il y a un onglet dans le site, c'est dans le site même de la ville, c'est pas un site propre archive, c'est un site qui est inclus dans le site Internet de la mairie de Remiremont, mais il y a un onglet culture, et dans cet onglet culture, on va trouver les musées, on va trouver les archives, et dans ce sous-onglet archives, alors là, vous aurez... tous les instruments de recherche, tous les répertoires en fait, des archives classées de ces fameux 800 mètres linéaires. La personne qui aura faire des recherches pourra les préparer en consultant en fait, cet inventaire géant et aussi le catalogue de la bibliothèque. Et il y a aussi les informations par rapport aux expositions en cours. Voilà. Oui, on a trace. Et sur, il y a un site Facebook qui est partagé par les musées et les archives aussi, qui s'appelle le Musée et Archives de Remiremont. Oui. D'accord. Et du coup, pour la mairie, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et sur Facebook aussi ? Bien sûr, oui, sur le site mairie de Remiremont. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à toutes les deux ? Que nous continuions à bien nous entendre et à travailler ensemble pour la ville de Remiremont et ses habitants. Il ne faut pas oublier que Remiremont, il n'y a quand même que 8000 habitants. Et finalement, on a une vie, je crois que les gens ne se rendent pas compte qu'on a une vie culturelle très riche pour une... Je ne dis pas que c'est un gros village, mais enfin, c'est vraiment une petite ville quand même. Il faut bien le reconnaître. Et déjà avoir deux musées plus un service des archives à Remiremont, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont cette richesse-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un tout plein de milieux culturels comme ça, je trouve que c'est bien. Il devrait y en avoir plus encore. Oui, mais... enfin, dans d'autres villes. Ça coûte cher, le problème. Ouais, c'est sûr. Alors, cette émission est maintenant terminée. Mesdames Deluquet et Isard, merci d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Alors j'espère que vous aurez de nombreux visiteurs qui viendront voir l'exposition « Des portraits, des figures » qui se déroule jusqu'au 22 décembre aux archives de Remiremont. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde!